Ça parle beaucoup ici, mais j'ai compris qu'on n'était pas pareil. Savoir c'est pas si c'est bien pour ton coup. Comme on est beaucoup, on t'a fait retaille. Pas dans les batailles, t'es pas prêt à sentir l'extase. Quand toutes les portes se sont fermées, t'as bloqué. Appelle la vie, j'ai vu, c'est pas une ligne. Casse la démarche, t'es dans la plaque et ça dérape. On sait bien que tu rappes mal si tu savais. Mec, t'es surtout que c'était pas un like, une sad life, que des veggies dans le nightmare. Avec nos touchés de balle, briser tous ces certains. On a vu ces quatre, Mazo c'est 14. Si on descend de la scène, il s'écarte ici, y'a les meilleurs à cap pédale. T'as capté qu'on est les plus forts, nous les prestats, toi tu sors. Je veux que tu laves le sol, tu l'as. C'est mieux des grands physiciens, on s'en touchait des sommets. Salut, moi je suis salut, salut, au revoir. J'allume les dingues, tous tes rappeurs on éteint. Et on veut moyer plus que les teintes. Entre nous les carrés dingues, y'a ma photo chez les coques. J'sais très bien qu'il est pingue. Ouais, moi je mélange la Audi, j'suis sur la vente du millier de pain. Ouais, j'vois que des fous, j'vois que des tarés, c'est pas grave, Glock est paré. Y'a des choses qu'on peut réparer, mais pour les autres pas pareil. J'fais la monnaie par paresse, les keufs ils disparaissent. Comme une riade, personne m'arrête. J'vois que les adversaires avalent la marée, ça me fait marrer. Là pour nous le shit est gratuit. Gratine. Par match des gratines, t'auras aucune part du gratin. Reste à ta place sur les gradins. Je grossis ces temps-ci. Gâchez moi c'est sensible. J'écope le calibre extensible. J'écope la recette, ça y est ça va mieux. Pour m'envoler, faut que la fille clochette fume le thé, fume un peu. Tant que ça marche pas, je réessaye. Du 11 ans, ça débarque sous peu. On n'est pas dans le même des trois pages gamelles dans les mêmes sous-queues. Beaucoup de falafel, beaucoup de fafa fake. Nombreux sont les phrases de Z, nombreux sont les foufous faibles. J'ai pas le temps de me casser le crâne avec toi ni avec ta tante. Dans le secteur, rien que ça camp, prends ton paillet puis va-t'en. J'écope la scène, ça y est ça va mieux. On n'accepte pas l'échec, Pélo prépare la CB bleue. Prends d'hôtel son tanga, je la frappe à la tsonga. Je vais m'occuper de ton cas, on barre pas ton cas, j'ai fini dans son calme. Coco s'en va sur l'autre, after si ça nous botte. J'allume un dernier bord, vous l'avez bonne, mais moi bonne que des formes. Pile les fainés, code promis tu connais. La petite veut coller, donc elle va racoler, voilà elle est chaudée. Elle tourne comme une roue libre, les petits passent en wheeling. T'arrache ta mère, pour Euro et Sterling. T'en voulais des services, et ça tous les services. L'addition sera sévère, remballe ton sevrage, remplis moins sévère. À rabord, à rabord, à rabord, à rabord, à rabord. Que des rapides.